Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Comme un ouragan en direct sur Radio Dio 89.5. On est le 23 novembre 2021, tout juste entre le Tidor, le jour du souvenir trans, et le 25 novembre, journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Jeudi, le 25 novembre, il y aura une marche à 18h place Fourneyron à Saint-Étienne. Et on vous invite aussi à écouter la journée spéciale sur Radio Dio. Vous pouvez retrouver le programme, je crois, sur le site de Radio Dio et sûrement sur le Facebook. En attendant, ce soir, dans Comme un ouragan, on va consacrer une grosse partie de l'émission au Tidor, du coup le jour du souvenir trans, qu'on aime renommer pour beaucoup jour de la revanche trans. Le Tidor, il a lieu le 20 novembre chaque année depuis 1999. Il a été créé en l'honneur de Rita Hester, une femme trans assassinée dans le Massachusetts, et est devenu depuis un jour de commémoration pour toutes les personnes trans assassinées et poussées au suicide par la transphobie et les oppressions quotidiennes. Oui, voilà, mais aussi on a eu envie d'abord de prendre un peu du temps pour vous raconter un peu des événements politiques qui ont eu lieu à Saint-Étienne, organisés par BDS et aussi l'association contre l'islamophobie stéphanoise. Oui, qui est le collectif. Le collectif, c'est vrai. Voilà. C'est le collectif stéphanois contre l'islamophobie et pour l'égalité. Et oui, on avait envie un peu de revenir sur ces différentes dates de novembre aussi, parce qu'on se disait que ça faisait une continuité avec notre dernière émission qui s'appelait Se donner de la force, parce qu'on se disait que dans cette période pas que facile, et ben, y avait quand même des collectifs et des camarades qui proposaient plein d'événements qui donnent du sens politique, où on apprend des choses, où on se brasse la tête avec des films, où on écoute des lectures, et que, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment plein de choses porté par des camarades militantes là sur Saint-Étienne qui étaient vraiment canon. Et vu que dans l'équipe on s'est rendu à quelques-uns de ces événements, on va vous en faire un petit retour. Ouais, merci d'ailleurs pour ces événements, parce que moi personnellement j'en ai un peu marre d'être des manifs ou trucs comme ça. Souvent je suis un peu déprimée. Je veux pas du tout faire l'anti-pub pour les manifs, c'est super aussi, mais moi perso ça, j'aime bien voir aussi des luttes ou des manières de faire la politique autrement qu'aller dans les rues, comme par exemple écrire des livres ou faire des films ou avoir des éditions de livres. Et voilà, je vais commencer de vous raconter. Moi, j'ai vu le film Fedaïn. C'est un film sur la vie de Georges Abdallah et son combat pour la Palestine. C'était diffusé dans le cadre de la campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, plus ancien prisonnier politique d'Europe détenu en France. Le documentaire Fedaïn revient sur le combat de ce militant qui n'a jamais renié sa cause, la libération du peuple palestinien et la lutte contre l'impérialisme. Rempli d'images, d'archives, d'interviews des proches de Georges Abdallah, des militants de la cause palestine et des militants révolutionnaires qui ont eu aussi être prisonniers politiques, comme Jean-Marc Rouen, Action Directe, ou le militant belge Bertrand Sassoy, cellule communiste combattant. Le film documentaire, produit par le collectif Varkam Film, retrace le parcours de Georges Abdallah, militant libanais pour la cause palestinienne et contre l'impérialisme. Une film qui plonge le spectateur au cœur de la résistance palestinienne face à la colonisation israélienne, du Moyen-Orient, région déchirée par l'impérialisme, jusqu'à Paris, au cœur de l'impérialisme français. Alors, on va s'écouter une tout petite interview avec Nico, qui était sur place, parce que lui, il est membre de cette collectif Varkam de Toulouse. Et lui, il explique un peu c'était quoi le but du film. Et après, on enchaîne avec une autre interview où on a demandé à une personne de BDS, Monira, pourquoi ils ont eu envie de montrer cette film. Et seulement pour dire, moi, j'ai trouvé super cette film. Franchement, ça a bien expliqué toute la lutte autour aussi Georges Abdallah. Et franchement, c'était une bonne réussite comme outil de lutte et d'explication, qu'est-ce qui se passe. Et alors, on va écouter cette petite interview de Nico et on enchaîne avec l'interview de Monira. Bonne écoute. Moi, c'est Nico du collectif Vacarme Film. Je fais partie de ce collectif qui a réalisé, produit et distribué le film documentaire Fedaïn, le combat de Georges Abdallah. Au départ, on est constitué de personnes qui militent sur la question de la libération de Georges depuis plus de 10 ans. On s'est rendu compte qu'il nous manquait un outil pédagogique pour expliquer que fait ce combattant arabe en prison en France depuis 1984. Donc on a décidé de faire un film qui devait faire 20 minutes au départ. Et puis, chemin faisant, on s'est dit que ça serait bien d'expliquer le contexte de Georges Abdallah, qui est la colonisation de la Palestine et la résistance à cette colonisation. Et du coup, on a fait ce documentaire qui porte aussi bien sur la résistance palestinienne que le combat de Georges Abdallah, qui est imbriqué dans cette résistance. Pourquoi c'était important pour vous, comme BDS, de montrer ce film ? Alors, pour nous, Georges Ibrahim Abdallah, c'est pas seulement un prisonnier politique de la cause palestinienne, c'est aussi quelqu'un qui représente la résistance palestinienne à l'extérieur de la Palestine. Et lui, dans ses discours, il pense pas à sa cause à lui, il pense toujours à la cause palestinienne avant tout. Il met toujours en avant les prisonniers palestiniens, les réfugiés palestiniens. Donc, pour nous, il est quand même un élément emblématique de la cause palestinienne. Donc ça fait plusieurs années qu'on suit son parcours, qu'on relaie ses discours à chaque fois qu'il en fait. Et on a d'ailleurs participé au financement de ce film, BDS Saint-Étienne, parce qu'on trouvait que c'était important qu'il y ait un outil qui existe pour parler de cette cause-là et comment l'impérialisme français maintient ses intérêts et maintient des personnes en prison alors qu'ils parlent des droits de l'homme toute l'année. Voilà, donc dès le début, on a voulu soutenir ce film, on a voulu le montrer. Et on trouvait, nous aussi, qu'il manquait un outil pour parler de Georges Abdallah. On en parlait sur nos stands BDS et tout. Mais là, le film, il est beaucoup mieux fait que ce qu'on peut expliquer à l'oral. Bon, merci à Nico et Monira pour les petites prises de parole. Et pour dire seulement, il n'y a aussi aucun problème, si j'ai bien compris la personne du collectif Vacarme, de les contacter pour, même si c'est dans une tout petite ville, village, qui vient toujours et pour montrer le film et faire un petit débat, discussion après. Voilà, peut-être en... On raconte les autres événements. Et ouais, parce que du coup, c'est vrai que quand même à Saint-Étienne, moi je trouve que c'est vraiment une sacrée chance militante là, d'avoir le collectif BDS qui est très actif et qui propose plein de temps de discussion, de formation politique, de rassemblement pour soutenir la cause de la libération de la Palestine. Et du coup, BDS a proposé trois événements en novembre. Du coup, il y a le film là, dont on vient de parler et qu'on a écouté. Il y a eu un autre film aussi, je me rappelle plus lequel, et on n'y est pas été, je crois que c'était Gaza mon... Bon. Et en tout cas, il y a eu aussi l'invitation à un temps de discussion avec Thomas Vescovi, qui est historien et qui a publié, du coup il a été invité à l'occasion de la publication de son livre, qui s'appelle « Échec d'une utopie, histoire des gauches en Israël ». Et moi je trouve ça fait ce temps de discussion où du coup on a été un peu écouté du coup Thomas Vescovi, là, invité par BDS, ça fait... Pareil, vraiment un temps de formation politique et historienne sur avancer, sur comprendre c'est quoi cette histoire de la colonisation en Palestine et l'histoire des résistances. Et là, du coup, lui, Thomas Vescovi, lui, s'attache vraiment plutôt à l'histoire d'Israël, en fait, de l'État d'Israël et de la construction de cet État-là. Et son propos politique, un peu là, qui explique le titre, c'est pourquoi un projet sioniste, de toute façon, est voué à l'échec quand on voudrait aussi aussi porter un projet progressiste et antiraciste, ça peut pas fonctionner avec un projet sioniste. C'était hyper intéressant, il a parlé pendant 45 minutes et de façon très accessible, et c'est ce qu'on s'est dit aussi, qu'on avait envie de remercier pareil les camarades quand ils font des temps de formation politique comme ça, parce qu'on pense que le bouquin c'est compliqué de le lire tout seul dans son coin, mais par contre quand on a la chance d'avoir directement l'auteur et lui qui vulgarise très bien, et après qu'il y a eu un débat chouette, bah, ça permet vraiment d'apprendre des choses, de se former un peu des idées, de se donner la patate pour lutter, tout ça. Du coup, lui, il revient justement sur la construction de l'État d'Israël et sur le projet sioniste. On va pas pouvoir tout détailler parce que là on va faire rapide, mais je pense les points qu'on a trouvé vraiment intéressants et un peu qui met en lumière, c'est déjà expliquer un petit peu c'est quoi un projet sioniste et pourquoi est-ce que ça peut pas être par essence entre guillemets un idéal de révolutionnaire, parce qu'un projet sioniste en fait ça veut dire qu'on va s'organiser sur une classe ethnique, c'est-à-dire la classe juive, et que dès le début notamment il y a eu scission en fait à l'intérieur de ce projet-là, parce qu'il y a eu personnes qui ont été avec ce projet-là, et assez rapidement ils sont confrontés à l'idée de dire « Ah bah oui, mais en fait, si on veut s'organiser en tant que classe sociale, par exemple contre le patronat ou contre l'impérialiste, et bah du coup, on va se constituer sur la base d'une classe sociale et non pas d'une classe ethnique. Ça veut dire notamment travailleurs arabes et juifs ensemble. » Et ça, ça a été une scission qui tout de suite a été dégagée pour une majorité, en fait, même de gauche, qui a plutôt favorisé le projet sioniste, c'est-à-dire avant tout, tout mettre sur la construction d'un État juif. Voilà, il donne pas mal d'exemples, notamment sur des tentatives justement de syndicats révolutionnaires de travailleurs qui se sont fait saboter par les travailleurs, par les syndicats nationalistes juifs, etc. Après, toujours dans la construction là, de l'État d'Israël sur le projet sioniste, bon, il raconte beaucoup de choses aussi, hein, et moi je trouve ça toujours intéressant parce qu'il revient sur les accords d'Oslo, c'était qui Isaac Rabin en tant que représentant de la gauche, etc. Enfin voilà, il donne plein de bouts intéressants. Mais sur un bout un peu plus récent, et je trouve qu'il fait le lien aussi sur pourquoi la campagne BDS et c'est aussi lutter contre l'islamophobie partout où elle est, c'est notamment, il réexplique bien qu'à un moment donné, à partir des années 2000, au moment notamment où Sharon, du coup, qui est ministre de droite, voire d'extrême droite israélien, est au pouvoir, il va commencer à devoir tenir un nouveau discours pour relégitimer le projet de l'État d'Israël. Puisque il faut un peu redonner des billes, lui il va tout miser sur dire on lutte en fait contre le terrorisme radical. Et que du coup on est complètement du coup sur un, et du coup ça va faire résonance avec notamment les États-Unis et aussi les pays européens, notamment la France, avec notamment des tribunes en fait qui vont reprendre ce propos-là, avec par exemple des gros titres comme France et Israël, deux démocraties face à l'islamisme radical. Et du coup, c'est vraiment ce lien-là là, qui développe sur la fin, sur en fait être, que c'est souvent les factions complètement islamophobes de la politique, de la classe politique française, qui vont être dans des soutiens pro-Israël coûte que coûte. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait des bouts intéressants à capter aussi. Oui, c'était vachement. En fait, nous trois, on était là. Ouais. Et moi, j'avoue aussi, ça m'a un peu... beaucoup plus... Bon, comme c'était très détaillé, moi, je trouvais ça très bien pour capter un peu des trucs. Et aussi, comme tu as juste expliqué là, un peu comme qu'est-ce qui se passe politiquement actuellement. Et après, je trouvais ça aussi bien quand même pour se lier à une petite discussion de qu'est-ce que nous, en fait, on peut faire politiquement contre tout ça. Et de se dire, en vrai, c'est aussi pas à nous à faire des propos, de dire, ah, vous pouvez faire ça et ça. En fait, il y a des propos très concrets aussi des côtés des Palestiniens militants, comme par exemple la campagne BDS. Et de se dire seulement même peut-être si on n'est pas tout le monde tout pareil, ou on n'a pas tout le même avis complètement, c'est un truc facile à faire. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est effectivement quoi, toute la fin, en fait, lui ce qu'il dit, c'est là où, en tout cas, les différents acteurs de la lutte palestinienne, là où ils se mettent d'accord, en tout cas, c'est évidemment sur dénoncer l'apartheid qui existe. Et c'est le but, c'est de trouver une solution politique qui permette de faire disparaître cet apartheid, notamment entre juifs et arabes, et que la solution politique, elle n'est pas encore trouvée, mais elle sera trouvée par les personnes, en fait, qui luttent sur place. Et si ça vous intéresse un peu la présentation de ce livre, il y a moyen de retrouver plein de vidéos sur YouTube de cette personne qui présente son livre et qui parle de l'histoire de la colonisation en Palestine. Et ouais, c'est vrai que c'était assez chouette de le voir en vrai, parce qu'il est plutôt chouette, pédagogue, il parle bien. Sympa même. Ouais, c'est ça. et il raconte aussi, c'est toujours fou là, de savoir comment... il raconte comment ça se passe pour lui quand il est invité dans les médias, où il hallucine un peu quand même. Des fois, il se disait qu'avec son propos, il serait invité nulle part, mais quand même, des fois, il est invité à France 5 ou des trucs comme ça, mais que quand France même... Culture, à la radio, pas mal. Et il raconte qu'à chaque fois qu'il est invité, quand même, en fait, il explique bien. En fait, les gens envoient les questions à l'avance et ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va raconter. Et lui, il dit, moi, je vais parler de, c'est un processus, enfin, c'est une colonisation active qui est en place avec de l'apartheid. C'est notamment des faits historiques que je vais dénoncer. Et puis à chaque fois, les gens disent, non, mais ça parle pas de ça. Ça, on s'en fiche. C'est vraiment pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est que plutôt que tu racontes comment c'est des grands esprits qui veulent se tendre vers la paix entre les peuples. Mais que c'est difficile et que... Ouais, c'est bien. On raconte le dernier petit événement, ou le premier finalement, mais où toi tu étais, non ? Où on lit le petit communiqué ? Oui, c'était... du coup, il y a eu aussi le collectif stéphanois contre l'islamophobie et pour l'égalité, qui a été bien actif aussi ce mois-ci. Et il y a eu trois temps, enfin, il y a déjà eu deux temps, et il y a un prochain temps d'ailleurs vendredi soir, le 26 novembre, où il y a une conférence aussi qui va être donnée. Mais en tout cas, début du mois, il y a eu une projection au Méliès d'un film qui s'appelle « L'or Algérie », réalisé par la réalisatrice Lina Swalem, en fait, qui fait un film documentaire sur ses deux grands-parents, du coup son grand-père et sa grand-mère, qui sont deux personnes exilées d'Algérie, qui sont arrivées dans les années 50 en France, et elle les filme en 2020 dans leur réalité de personnes de 80 ans vivant en France. Et c'est un film qui est vraiment... vraiment super, super beau, avec qui raconte plein de choses. Et il y a eu un débat très intéressant, avec beaucoup de prises de parole derrière. Pareil, c'était un temps politique qui était vraiment chouette et qu'il faut suivre un peu ce que propose ce collectif. Et on avait aussi envie de relayer le collectif là, Stéphanois contre l'islamophobie. Il publie régulièrement un petit fanzine d'information avec des tribunes, des communiqués, les événements qui vont venir. Et là, on avait envie de vous lire le communiqué commun du... c'est le communiqué commun du 8 octobre contre la dissolution, qui dénonce la dissolution du CCIF qui a été validée par le Conseil d'État. Voilà, on va vous lire ça seulement pour dire le CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie en France. Alors, le communiqué commun du 8 octobre. Par un arrêt rendu en catimini le 24 septembre 2021, le Conseil d'État a donné sa bénédiction à la dissolution des CCIF, associations dont l'objet était de combattre par les voies de droit les discriminations dont sont victimes les personnes musulmanes. Cette décision risque malheureusement de faire jurisprudence, plaçant une épée de Damoclès au-dessus des associations qui ont pour l'objet la défense des droits et libertés. La dissolution des CCIF, sous l'accusation de provocation à des actes de terrorisme, avait été annoncée à grand fracas par le ministre de l'Intérieur en réaction à l'assassinat de Samuel Paty. Le Conseil d'État a bien dû constater que l'accusation ne tenait pas la route, rien ne permettant de suspecter l'association de complicité ni même de complaisance à l'égard de cet acte abominable ou d'autres actes terroristes. Le ministre de l'Intérieur lui-même ne devait pas être si sûr de lui puisqu'il avait aussi invoqué, pour justifier la mesure, la disposition qui permet la dissolution des associations qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou qui propage des idées justifiant ou encourageant cette discrimination, cette haine ou cette violence. Par un curieux retournement, la dissolution de CCIF est donc approuvée au motif qu'en luttant légalement contre les discriminations à la haine anti-musulmans, il se rendit lui-même coupable des discriminations et des haines. En effet, pour le Conseil d'État, critiquer sans nuance des politiques publiques ou des lois qu'on considère comme discriminatoires, c'est pousser les victimes de la discrimination alléguée sur la pente de la radicalisation et les inviter à se soustraire aux lois de la République. En d'autres termes, avoir l'impertinence de critiquer l'État en soutenant qu'il viole les droits, c'est déjà presque un attentat. Curieuse conception de l'État de droit. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil d'État a totalement dévoyé un texte conçu à l'origine pour combattre la propagation d'idéologies violentes, racistes et inégalitaires, qu'il transforme ainsi en arme létale utilisable contre toute l'association de défense des droits et libertés. La décision est également inquiétante en ce qu'elle revient à admettre qu'une association est responsable, non pas seulement de ses actions propres et de ses prises de position publiques, mais aussi de celles de ses anciens dirigeants, y compris lorsqu'ils s'expriment à titre personnel, de celles de ses membres, anciens membres, et même des personnes qui commandent ses publications électroniques. Les associations sont ainsi nommées à peine de dissolution, sans mise en demeure préalable, d'exercer une vigilance de tous les instants sur les propos ou actes de leurs membres, propos ou actes qu'en l'espèce, le ministère public n'avait du reste jamais jugé opportun de poursuivre. Mais surtout, par un inquiétant renoncement à sa mission de contrôle, le Conseil d'État prend pour argent comptant les accusations du ministre sans le moindre recul. C'est ainsi que des propos tenus par l'ancien porte-parole du CCIF en 2014, affirmant que les attentats islamistes, par ailleurs condamnés avec constance par l'association, représentaient une part minoritaire des attentats commis en Europe, ce qui était exact à l'époque, deviennent des propos tendant à relativiser, voire à légitimer les attentats. Il est légitime de critiquer les interventions du CCIF, ou même son positionnement général, comme il est du reste arrivé à certaines des organisations signataires du présent texte de le faire. Le débat d'idées est normal et souhaitable dans une société pluraliste. Il est en revanche incompréhensible et inadmissible qu'une association dont l'objet est d'agir par les moyens légaux, notamment en saisissant les tribunaux pour lutter contre ce qu'elle considère à tort ou à raison comme des discriminations illégales, soit traitée pour cette raison en ennemi de la République et condamnée à la mort civile. L'arrêt du Conseil d'État affirme qu'en combattant par la voie légale ce qu'on tient pour injuste, on se rend complice des infamies commises au prétexte de l'injustice, et qu'en exigeant de l'État qu'il respecte le droit, on sera coupable de sédition. Cette décision fait fi des valeurs fondamentales de l'État de droit. Conjuguée à la promulgation de la loi confortant le respect des principes de la République, elle place l'ensemble du monde associatif sous la coupe du ministre de l'Intérieur et donne au gouvernement le pouvoir de museler la société civile. Le 8 octobre 2021. Bon, voilà, on a eu envie de vous lire ça, même si ça date du 8 octobre, comme c'est encore actuel. Et puis qu'il y a eu vraiment un silence médiatique de fou là-dessus. Ouais, que ce communiqué-là, en fait, il a été très peu relayé dans les médias, alors que c'est vraiment super, super grave, quoi. Voilà. On écoute un petit morceau de musique. Un petit morceau de musique, ou encore un petit interview. Ouais. Beirut, Snoule, Ya مالي ورأسك مرفوع انطق لبناني بالدمع سقيتو أرزت بلادي أيديكم جميعا الآن في السماء في الهواء من الجنب للجنب من ضرب ضرب ومن هرب هرب والقصر بيش تفو عليكم عناصركم لديهم افيون وكيف للبيع حواجز بالليل القضاء الشباب الصغار وتفلتون التجار يمين ويسار لمن تابعون الجميع يرونا لسنا مستعدون للسكوت يابا مدينة بيروت أيديكم جميعا في الهواء من زمان إلى الآن وأنا بقلبي لبنان مسكينة مسكينة بيروت بيروت فينا بعمرنا ما نسينا أيام بمصارينا وتلعب براسنا وما بتلعب من طيزة غليظة لا بس الحق بدنا نقوله غصب عن العميل والمستوطنيين بالمستحيل أنا نساكي فلسطين أيديكم جميعا في الهواء شارع غانا الروشة بربير سن الفيل المنارة والبسطة رملة البيضة الشتيلة صبرة المزرعة وشارع مكحول كراكون الدروز والبربور راس العين وشارع بليس حارة حريك والكورنيش جنينة الصنايع كونكور شياع جعيطاوي سيوفي مار الياس طريق جديدة حازمية وطن صيدبة أشرفية ضلناوي الاطباء وجون دارك حي السلم زق البلاط تراب وكل قطاعك أدوس يابا مدينة بيروت أيديكم جميعا في الهواء Toujours sur la matinale de Comme un ouragan, il est 8h du matin, bon courage pour aller au... Tu mens. Je mens. Tout le monde qui nous écoute, qui est en train d'aller à l'école ou au taf, bon courage. Oui, bonne journée. On s'est écouté Beyrouth de Shadia Mansour. Et bon, on pourrait parler de Tidore maintenant, non ? J'ai l'impression qu'il y a un très grand montage à écouter. Maintenant, on va vous proposer un montage de 45 minutes de retour sur le Tidore dans différentes villes, Grenoble, Annonay, Brest, Rennes et même Leipzig. Du coup, on voulait remercier tous les camarades qui nous ont envoyé des sons et des témoignages et on vous souhaite une bonne écoute. Revenge! Alors, je peux donner quelques chiffres. Par exemple, on sait que dans le monde, on estime que à peu près 350 personnes trans ont été assassinées en 2020. Alors, bien sûr, c'est une estimation et on sait qu'elle est basse parce que il y a plein de personnes dont on n'a pas connaissance de leur mort ou de leur transidentité, ou les deux. Du coup, on sait que la très grande majorité d'entre elles étaient des femmes, que dans les deux tiers des cas, elles étaient des travailleuses du sexe connues. La plupart du temps, elles étaient racisées. Et en tout cas, en ce qui concerne les meurtres qui ont eu lieu en Europe, dans la moitié des cas, c'était des femmes migrantes. Comme Jessica Sarmiento, par exemple, qui a été assassinée, renversée par une voiture au bois de Boulogne en février 2020. Et à toutes ces mortes-là, s'ajoutent tous nos camarades qui sont suicidés. Alors là, on n'a aucun chiffre pour ça, mais on sait que en France, dans les personnes qui se sont suicidées et que dont j'ai connaissance moi-même, on sait que il y en a au moins une dizaine qui se sont suicidées à cause de la transphobie, elles qui ont été poussées au suicide par la transphobie. Qui sont des camarades, enfin des camarades au sens des personnes qui étaient dans, qui faisaient partie de la communauté trans et que. Oui, on sait qu'il y avait des alors évidemment que on n'a aucune donnée sur toutes les personnes qui étaient isolées et qui n'étaient pas connus de leur communauté, et du coup on imagine que ce chiffre il est beaucoup plus important. Par exemple, on sait selon les dernières études que la prévalence du risque suicidaire dans les populations trans elle est autour de 42%. Ça veut dire 42% des personnes trans portent atteinte à leur jour dans le cours de leur vie. Du coup, on sait qu'il y a eu très certainement beaucoup plus de décès par suicide de personnes trans dans l'année. Mais en tout cas, une dizaine de personnes qu'on connaissait, moi ou d'autres camarades proches, quoi. Est-ce que tu veux bien me décrire ce que tu vois ou ce que tu as vu, ce que tu entends, tout ça ? Alors, je ne vois plus les lanternes, mais elles ont été lancées il y a quelques minutes sur la place des Cordeliers, exactement à Annonay. Je vois une grande banderole devant. Où il y a écrit « La transphobie tue, Tidor, journée souvenir trans ». Et voilà, il y a pas mal de monde sur la place. Et ben actuellement on est sur la place de la mairie à Rennes, c'est ça hein ? Oui. Ouais. Et on est, je sais pas, 30 minutes après la fin des prises de parole du Tidor. Et moi je vois des canettes. Et du coup, il reste un peu des gens qui partent pas. Ce que je crois souvent, c'est comme ça au Tidor et que ça se termine à un moment, genre les prises de parole, et puis il y a juste des gens qui restent parce que. Parce que c'est cool, mais. Puis c'est un peu notre fête nationale quand même. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que la journée de la visibilité, c'est un peu chiant. C'est ça. Du coup, on préfère le Tidor. C'est un peu notre 1er novembre. Ouais. Alors bon, on vient commémorer ça ensemble. Voilà, c'est le seul moment en fait où on fait genre un truc tous ensemble et qu'on se fout pas sur les gueules. C'est vrai. C'est vrai que moi j'ai remarqué qu'il y avait plein de personnes de collectif avec qui je me suis bouté sur la gueule et j'ai pas eu une once d'animosité, ce qui est rare, parce que c'était cool de l'avoir ici en vrai. Ouais. Et que là en plus cette année franchement c'est le truc de qu'on connaît tous des personnes en commun. Ouais. Et que enfin déjà les autres années c'est plutôt chill et je sais pas, enfin j'ai fait des câlins à des gens que ça n'avait aucun sens à un autre moment de l'année. Et là bah je pense que ça fait vraiment un truc. Et bah là j'ai très froid parce que comme chaque année le 20 novembre bah, c'est le Tidor et donc là on est place Félix Poula en face de la mairie et coincé entre l'église et le McDo. Et puis là bah, je tiens une lanterne parce que bah, on va faire un petit lâcher de lanterne d'ici une minute trente. Donc voilà, on a lu les instructions et puis là tout le monde va faire son petit allumage. Et voilà, bah, il y a plein de bougies, il y a énormément de monde. En tout cas, on est plein à trouver vraiment ça chouette. Toi, tu dirais qu'il y a combien de monde là ce soir ? Moi, je dirais qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Les dernières éditions, on était maximum une trentaine, et là, je pense qu'on est au moins 100, 120. Ah, ça y est ! Allez, c'est regarde. Parti. Ah ! Waouh ! Oh, c'est beau ! Ah, ouais. Ah, le lâcher de lanterne, c'est super. Hein. On voit les lanternes là, qui s'envolent là, dans le ciel. Voilà, donc ouais, c'est magnifique. Peut-être que ça va rejoindre les étoiles. On imagine que ce sont les âmes des personnes trans qui sont décédées qui vont rejoindre enfin le ciel parce qu'on a reconnu leur souffrance. Voilà. Yeah, I'm here in Leipzig. Je suis à Leipzig at the Trans Day of Remembrance, or pour Trans la Day manifestation of Revenge, du jour du souvenir trans ou jour de la revanche trans. Il y a environ 100 personnes, voire un peu plus, réunies pour se souvenir de toutes celles qui ont perdu la vie cette année, assassinées, brutalisées par la police ou à cause d'oppression diverses. Nous avons une pensée particulière pour Ella, une femme trans iranienne qui s'est immolée cette année à Berlin sur Alexanderplatz. On se souvient de son nom et du nom de toutes celles qui ont perdu la vie cette année. Une longue liste de noms de celles qui ont perdu la vie est lue à voix haute en leur mémoire. J'ai préféré faire un retour le lendemain du Tidor, à froid, parce que bon, déjà il y avait beaucoup de bruit pendant le Tidor, et aussi parce que je voulais un peu de recul sur certains trucs. Donc le Tidor, il y a eu un appel à rassemblement qui est passé, il y avait plus de 200 personnes, peut-être même 250 personnes. Il y a une prise de parole qui a été faite. On a lu un extrait d'un texte écrit par Sacha Yaropolskaya. C'était un texte d'appel à manifester le 10 octobre en réponse à la mort de deux femmes trans. Donc cette manif, elle était à l'appel de Accept ST. Et le texte, il était publié sur XY Media, notamment. Après la prise de parole, le moment de commémoration, il a vite été remplacé par une sorte de pride d'hiver, comme j'ai pu entendre dire dans le cortège. Pride d'hiver, c'est peut-être à cause de l'orga, parce qu'on a proposé de partir en cortège. Il n'y avait pas de slogan pendant une grande partie de la marche, et puis il y a une sono qui diffusait de la musique, parfois. Bon, les sons, c'était que des artistes trans, et c'était pas les musiques les plus joyeuses, mais avec le recul, on se dit que ça a sans doute rajouté au côté festif. Mais de toute façon, même si on n'avait pas pris le caddie sono, il y avait plein de sono dans le cortège. Et puis le décalage, il était flagrant entre devant les personnes qui tenaient les banderoles. C'était des personnes très jeunes qui riaient et qui hurlaient et qui se prenaient en photo. Et c'était en mode un peu paillettes et Lady Gaga. Et derrière, les personnes qui marchaient plutôt en silence, avec des bougies à la main, c'était un peu deux salles, deux ambiances. On était un petit crew de 4-5 personnes trans à avoir fait cet appel à rassemblement. Et on regrette, après avoir débriefé, que la majorité de la marche, elle se soit déroulée en mode tough. Il y a quand même eu des moments forts. Il y a eu des slogans qui ont résonné dans la rue de Siam, et puis des pancartes, notamment. Bon, là, il y avait une meuf trans qui portait une pancarte « Je serai peut-être la prochaine », et sa pote à côté qui avait une pancarte avec écrit « J'ai envie que tu vives ». Thank you. Et ben moi pour être là aujourd'hui, je pense en vrai globalement je suis là tous les ans. Mais cette année j'avais un peu un enjeu que j'avais vraiment envie d'écrire. Et enfin, j'avais vraiment envie de dire des trucs parce que j'avais plein de bouts qui se bousculaient, de trucs que j'avais vraiment envie de dire. Et qui, je sais pas, je faisais que me dire est-ce que ça a sa place dans un Tidor, je sais pas. Bref. Et après il se trouve que j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit bah je vais venir pour écouter les prises de parole. Et en fait tout ce que j'avais envie de dire eh ben, c'était déjà dit par un petit peu tout le monde. Et je me suis dit que j'avais bien fait de pas écrire. J'avais bien fait de. Enfin ça m'a fait un truc un peu de cohérence de voir qu'en fait dans tout ce que les personnes écrivent, eh ben, en fait moi les trucs que j'ai à dire ils sont déjà là. Et du coup ça me fait un peu fort un truc de cohérence que j'ai pas trop trouvé dans des collectifs ces derniers temps mais qu'en vrai je retrouve à chaque fois que je viens à des trucs d'autosupport. Et que moi j'avais vraiment envie de faire un texte qui pour dire à quel point l'autosupport c'est important et que c'est ça le taf à faire en priorité pour moi. Et du coup ça m'a fait trop du bien d'entendre ces trucs là. Du coup je suis venu pour ça et j'ai pas été déçu quoi. Voilà. Je pense que je suis venu pour voir des visages que je vois pas souvent aussi. Moi, le Tidor, je crois, c'est un truc qui me pourrit tout le mois de novembre, tous les ans. Mais qui est hyper important, en fait. Parce que c'est peut-être le moment où je peux concentrer un peu les trucs qui vont pas et qui me font flipper, en fait, dans les trucs communautaires trans. Et c'est pareil, je viens tous les ans, en fait, parce que bah, juste c'est... Enfin, je sais pas, en fait, je me verrais pas venir ou pas être là ce jour-là. Et on va couper ce blanc. Le premier Tidor qu'on a fait à Rennes en 2008, on était 7. Et en fait, ça me fait un truc de ouf chaque année, en fait. Et c'était 7 personnes dont la moitié avait des masques. Des masques blancs pour pas que des gens les reconnaissent quoi. Et l'année où on est arrivé à 30, c'était la fête du slip en fait. Et genre là je pense qu'il y avait peut-être 200 personnes. Ah ouais. Et avec une com qui a été compliquée et tout visiblement et que ça a été enfin le rassemblement a été annoncé la semaine dernière je pense. Et bah il y a toujours des gens et toujours plus de gens et je trouve quand même que c'est assez encourageant. Et bah en fait ça fait aussi un moment où tu recroises des gens que t'as pas vu depuis longtemps et que c'est chouette de savoir qu'ils sont toujours en vie. Juste. Ce qui est triste mais à la fois bah c'est comme ça donc c'est chouette. Et il y a aussi des jeunes trans tout ça donc pour moi l'après Tidor où peut-être les gens vont boire un coup et que du coup tu les croises après ça fait aussi ce truc qui m'arrive de temps en temps en ce moment de croiser des jeunes trans et qui ont l'air d'aller genre plutôt bien et waouh c'est vraiment chouette en fait et juste d'arriver à être ensemble et de faire quelque chose de cohérent où en fait on arrive à dire des choses qui se rejoignent et tout et à communiquer et faire quelque chose de c'est triste mais à la fois bah c'est beau en fait comme les événements de commémoration qu'il y a eu cette année, bah, je suppose que ça apporte aussi de la force à des gens et à moi. Et c'est cool. Bah, ouais, moi je me dis que pour moi, le Tidor c'est un peu. Chaque année ça me fait un peu un retour à la réalité. Un peu le point de reset de en fait toute l'année où plus ça va, plus je vais un peu me perdre dans des collectifs ou m'embrouiller ou brasser du vent, avoir beaucoup de discussions sur des trucs qui sont très abstraits, perdre un peu le sens des priorités, enfin celles qui sont les priorités de ma vie et les priorités de ce que j'ai envie de mettre dans ma lutte. Et du coup j'ai l'impression que le Tidor ça vient toujours un peu me recentrer sur Bah sur pourquoi j'ai envie de, même si je prends des grandes pauses, ben de continuer à aller dans des collectifs, de continuer à militer, de continuer à avoir un petit peu un pied là-dedans. Et que c'est jamais un hasard. Et c'est jamais juste une posture idéologique, c'est aussi assez viscéral. Du coup ça me fait du bien de venir là. Même si c'est pour brasser des trucs lourds, je pense en vrai. Enfin, de toute façon, les fondations de tout ce en quoi je crois, eh ben, c'est des trucs de super lourds. Ouais, en vrai, c'est des trucs qu'on ressasse tous un peu tout le temps. Quoi. Du coup, c'est cool d'avoir un endroit où tu extériorises les machins. Et c'est... Ouais, grave. Et qu'à chaque fois, ça me fait un peu un truc de reconnaissance aussi de bah, Rennes spécifiquement. De bah je sais pas de voir que West Trans ça continue d'exister, que ça continue à quoi que ce soit qui se passe dans l'assaut, les énergies, à quel point les personnes se retrouvent solo, en tout petit nombre, en tout petit effectif, les embrouilles ou je sais pas quoi, bah ça reste une assaut qui moi m'a vraiment porté et que je suis vraiment bien fier d'avoir commencé à militer dedans et de voir que ça existe encore et que ça continue à apporter des trucs qui sont toujours assez pertinents. Sans s'être dilué dans des manières de faire de la politique qui ne ressemblent pas. Okay. Et ça, c'est un bon sacré. En fait, on se rassemble pour, en recueillement pour toutes les personnes trans qui ont été assassinées et aussi celles qui se sont suicidées. À cause entre autres du harcèlement et des mauvais traitements qu'ils subissent dans la société. Voilà. Voilà où on se trouve actuellement. Il y a du monde, bon, c'est sympa. C'est vraiment utile de savoir que, en fait, aussi que la population trans, c'est la population où il y a le plus gros pourcentage de suicides aussi. En fait. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se rassemble. En fait, on ne pleure pas vraiment nos morts, mais quand même, on y pense. C'est quand même un côté un peu émouvant quand on y pense. I am here because je suis là parce que ces violences qui arrivent tous les ans doivent être visibilisées, vues, entendues, rendues publiques. Et je pense que c'est à ça que ce sert le Tidor. Shouting out to everyone. C'est pour hurler au monde que c'est scandaleux. At the same time, doing this in a et en même state temps, of pain, on le fait dans la souffrance, car c'est douloureux ce qui arrive tous les ans. And murder, les assassinats and suicide are et les suicides the peaks of that, sont les situations les sort of plus dures, that happens to trans and non-binary people mais les violences present every day, and subies par les personnes trans et non-binaires sont quotidiennes. Yeah, to accept this, on est bien obligé de s'y habituer ou pas. I think it's also about, building strength. Je pense que c'est aussi un moment pour to que la communauté en ressorte plus forte, reprenne du pouvoir et puisse continuer de lutter contre les oppressions et surtout ne commence together, pas à les accepter. They grieve together, but they also les support personnes each other, and they're there sont for each ensemble, other, and I think this is, font leur deuil, se soutiennent, sont là les unes pour les autres et c'est sûrement la chose la plus puissante dans ce jour de revanche et de souvenir. Also builds a community. Tout ça permet aussi de faire communauté, it builds, de renforcer community la of, communauté, of power, and a community that hopefully stands together. La communauté and qui est debout, and is ensemble, actually by a lot of et qui se bat pour ses droits. C'est aussi l'occasion pour nos alliés de venir, de montrer leur soutien et d'être présents, présentes pour nous. I was afraid, I was petrified. I didn't think that I could live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew stronger. I learned how to get along. And now you're back from my outer space. And I just walked in to find you with that look upon your face. I should have changed the stupid lock. I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 minute, you'd be back to bother me. Go on now, go on. Walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Aren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. For as long as I know how to love, I know I still love. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive. To fall apart, I had to pick up all the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not the fool little soul that's still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. And baby, I'm saving all my love for someone who's loving me. Est-ce que tu voudrais partager un ou des souhaits, ce que tu souhaiterais pour la communauté trans? Un ou des souhaits. Qu'on facilite les démarches administratives, que ce soit pour le changement de prénom ou l'état civil, parce que c'est des démarches qui sont encore super galères à mettre en place. Je parle de ça parce que je suis en train de faire mon changement d'état civil et c'est une galère sans nom. Donc si on pouvait faciliter tout ça et moins exiger tout ce qui est preuve médicale et psychologique, psychiatrique, tout ça, ça serait vraiment sympa. Ça va aller. Je sais pas, je pense c'est un truc assez géographique, mais sur Rennes, je pense par exemple l'accès aux transitions, c'est quand même plus facile qu'à d'autres endroits et c'est chouette. Et aussi le tissu associatif est large et que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver dedans, du coup, genre, restez pas seul. Et mais oui, genre contactez les assos, les collectifs et tout, il y a des gens en fait. Et si ça colle pas à un endroit, ça peut coller à un autre endroit quoi. Et genre, vous êtes pas tout seul. Et je sais pas, j'ai un truc avec les enfants trans en ce moment aussi que ça me fait flipper. Et à la fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de parents qui viennent dans les assos pour avoir des infos. Il y a des médecins qui essaient de s'investir un peu pour filer des bloqueurs de puberté et tout. Et genre, je crois, les ados que j'ai vus transitionner, ils vont bien, en fait, quelques années après, juste, ils ont une vie hyper basique. Ils sont plus dans les trucs trans, parce que, en fait, c'est pas forcément un enjeu pour eux. Mais juste, c'est chouette, ils vont bien. Parce que moi, ça me fait hyper plaisir d'avoir une communauté autour de moi et tout, mais c'est un besoin, quoi, aussi. C'est pas, j'imagine, si j'avais transitionné de manière hyper facile et que toute la vie était plus simple et qu'il y avait eu un soutien dès que j'avais eu 14 ans, peut-être en fait je serais plus dans les trucs trans. Mmh. Mais que c'est chouette pour eux et j'espère que tout ce sera comme ça après. Et qu'on aura toujours des endroits où se retrouver parce que on est quand même des gens chouettes et hyper drôles. Et ce serait dommage de louper ça, mais que ce soit pas un besoin de genre on va commémorer nos morts, mais plus on est content et c'est cool. Ouais, moi je pense dans les trucs que j'aurais envie de dire, bon c'est très ciblé sur autour de ce à quoi je réfléchis en ce moment, mais c'est un peu un message de en fait si t'as commencé à essayer de militer dans un collectif qui plutôt brasse du blabla, si t'as l'impression que côtoyer des personnes trans ça veut dire forcément devoir être une personne militante et devoir aller en manif et devoir faire des tracts, un peu continuer à chercher et à t'entourer parce qu'il y a d'autres manières de créer du commun, qu'il y a d'autres manières de s'entourer et que les assos d'autosupport elles vont continuer à exister et que je trouve ça trop bien de partir de chez ses parents, d'arriver en ville et de s'investir dans des trucs militants. Et en fait quand on est épuisé et qu'on n'a pas de ressources et qu'on a besoin de transitionner et besoin de rencontrer des camarades, il y a ces espaces-là qui existeront toujours et qui seront là pour ça, avec les ressources qu'on peut à l'intérieur et qui souvent sauvent des vies. Du coup c'est un peu ça le message que j'ai envie de donner, quoi. C'est qu'on trouve toujours chaussures à son pied. Moi je voulais dire, je crois, qu'il y a aussi ce machin maintenant avec les médecins par exemple, où j'avais pas vu venir ça il y a 10 ans en fait, où c'était tellement compliqué avec les médecins, genre ils répondaient jamais quand on les contactait en tant qu'asso, ils nous parlaient pas et ils nous snobaient complètement. Et là vraiment il y a des médecins qui s'investissent et en fait qui font des trucs et qui se mettent en danger pour que les gens puissent transitionner de manière facile. Et waouh, c'est quand même un truc génial dans la vie. Et ça reste compliqué et tout, mais en fait, il y a quand même quelque chose qui va mieux là-dedans, quoi. On arrive à faire et à causer avec eux et d'égal à égal, en fait. Et qui captent aussi ce qu'on leur apporte sur l'expertise trans, mais aussi sur leur pratique en général, en fait. Le premier truc que j'aurais envie de dire, c'est ne restez pas tout seul. En fait, on est une communauté aussi multiple et forte, et il y a des ressources, et il ne faut pas hésiter à les demander, en fait, parce que on n'est pas toujours assez nombreuses et nombreuses dans les organisations trans pour aller vers toutes les personnes, mais par contre, on sait répondre quand on est sollicité, du coup. N'hésitez pas à solliciter les orgas trans autour de vous. N'hésitez pas à solliciter les autres aussi, hein, parce que le soin communautaire, il est hyper important. Mais aussi, pour moi, tout le monde devrait prendre en main cette question et s'investir. Et je pense qu'il ne faut jamais qu'on cesse de solliciter les gens pour demander leur aide. Et le deuxième truc... ces dernières années, je pense qu'elles ont été marquées par beaucoup de désaccords politiques, de conflits à divers endroits. Et moi, j'aurais envie de dire, rejoignons-nous aux endroits qui fonctionnent et puis soyons fortes et forts ensemble. What I want to say to the community is... Ce que j'ai envie de dire à la communauté, c'est que le plus important face à toutes ces oppressions, c'est de faire bloc ensemble, de se soutenir et de s'entraider, d'être également accueillante. Je pense que c'est nécessaire de s'accepter entre nous parce que chaque personne est différente, personne ne vient du même endroit, n'a le même vécu, ni forcément le même avis sur différents sujets, ce qui peut créer des conflits, mais je pense qu'il faut accepter que notre communauté est diverse. Qu'il faut voir ça comme une force et pas comme quelque chose d'insurmontable. Je voudrais aussi que la communauté soit inclusive et accessible à tous, en particulier aux personnes considérées comme inadaptées dans cette société et aux personnes qui ne parlent pas la langue majoritaire de l'endroit où elles vivent. J'aimerais vraiment qu'on arrive à créer une société inclusive pour toutes les personnes trans, non-binaires et intersexes, ou pour toutes celles qui ne savent pas encore si elles font partie de cette communauté, qui sont dans le doute, en questionnement, qui ne se sentent pas assez trans. Les personnes non-binaires devraient pouvoir se sentir légitimes à se définir non-binaire sans avoir l'impression de voler quelque chose à qui que ce soit. Je pense qu'on doit être inclusif et accepter toutes celles qui galèrent avec leur genre ou se battent avec d'autres oppressions dans la société. Ça me paraît important qu'on se rassemble, qu'on crée un mouvement de toutes les personnes marginalisées qui lutteraient ensemble, seraient solidaires. Je vous appelle donc à lutter pour les droits des personnes trans, inter et non-binaires, contre le patriarcat, et à créer des actes de solidarité. Donc c'est un poème d'une autrice qui s'appelle Kai Cheng Tom, traduit par le collectif Trans Girls, qui... Parce qu'en fait, cette année en France, ben, malheureusement, on compte, là pour le Tidor, on compte beaucoup de personnes trans qui se sont suicidées. Ce texte, je crois qu'elle l'a écrit, elle l'adressait à une de ses sœurs qui s'est suicidée. Des fois, je t'en veux tellement d'être morte. Je pourrais te maudire, je pourrais pleurnicher, je pourrais écrire ton nom sur mes bras avec du sang et des larmes, si cela pouvait m'empêcher de me faire du mal. Est-il possible que la poésie de l'automutilation, de l'auto-effacement, du sacrifice et du martyr soit le seul langage que nous ayons réellement partagé? Je sais que c'est égoïste, mais je m'en fous. Est-ce que tu as pensé à moi et au monde des autres meufs trans que tu as laissées en rase campagne lorsque tu as rejoint le cœur éternel des meufs trans tristes dans le ciel? Tu fais chier. J'avais besoin de toi ici, tes pieds dans la poussière. J'avais besoin d'une sœur de chair et d'os, quelqu'une qui me vernirait les ongles et m'engueulerait, pas d'une ancêtre spirituelle morte à poétiser. Merde à la poésie. Merde à la poésie si elle ne nous garde pas en vie. Merde à l'art. Merde aux histoires. Si tout ceci n'est rien d'autre qu'une chambre d'écho nous rappelant sans cesse que nous allons mourir. Je suis fatigué du langage du deuil. Je suis fatigué d'être en colère. C'est comme si tout ce que je pouvais faire, c'était partager ses sentiments et recevoir des likes. Mais je peux parler et parler, mais tous ces mots ne peuvent sauver personne. que quelqu'une, n'importe qui, me chante une chanson d'espoir et de vie. Que quelqu'une, n'importe qui, m'enseigne l'art de la résurrection. Je ne cesse de rencontrer des femmes uniquement après leur mort, comme un personnage de conte de fées qui suivrait une piste faite de chair et d'os. Que quelqu'une me sauve de cet héritage, de cette route de paillettes et de mort, s'il vous plaît. Que quelqu'une me sauve comme je ne t'ai pas sauvé. Et pour terminer, nous, on était plusieurs de Comme un ouragan samedi à être allés à Nonay pour la journée du Tidor. Et après le moment de commémoration, dans la soirée, on a eu l'occasion de voir un spectacle. Enfin, plutôt une performance qui s'appelle Dans mon dessin. C'est une performance de Jenny Charton. Une performance qui mêle différents outils multimédia, la musique, des dessins et des textes de Luz Volkmann. Et ben on avait envie de terminer ce retour sur le Tidor par la lecture d'un de ces textes sur une des musiques du spectacle. On vous encourage à aller voir ce spectacle si vous en avez l'occasion. Et on espère que on pourra faire jouer Jenny bientôt à Saint-Étienne. Je suis un bouillon d'insultes, la nuit sale, une ovation de spectre, le cri de mes mortes. Ils hurlent vos regards, les marques jusqu'au sang des souvenirs de l'enfance, où les mots ne sont pas à moi, où les balafres n'ont pas de nom, où les prières n'ont pas d'oreilles. Je suis le bouillon d'insultes. Comment un jour de plus ? Un jour de plus à me tenir sur votre scène, les planches à spectacle pour pédales, comme une tragédie où aucun dieu ne descendra pour moi. Je suis ici, regarde-moi, je me tiens face à toi. Le corps qui divague et se tord, il n'est pas malade ce corps, mais il est plié, dans vos lois, dans vos travails, à la limite de vos mots. À vos yeux, une bonne transe est une transe qui brille, ou une transe brisée sur scène, ou sur le trottoir, dans la gloire, ou dans le coffre de la voiture. Je suis ici, regarde-moi, je me tiens face à toi. Tu as tué mon ami, suicidé ma sœur, humilié mon amour. Je suis l'équation de la colère qui a survécu. Qui aimera mes colères? Je suis en temps de tous les diables. Trop rapide pour tes oreilles. Écoute-moi, c'est encore trop lent pour moi. Je suis pressé de survivre, de passer vos tests, vos barèmes, vos désirs. Je suis pressé, mes mauvais élèves. Je suis cancre en classe des meufs. Un jour de plus et je t'écrirai de la pop étincelante, du théâtre pour enfants, des recueils de blagues de Gwyn. En attendant, thank you. je ne chante plus. Qu'est-ce que je raconte? Écoute-moi, je raconte un jour de plus. Car je suis vivante. On vient donc d'écouter un super montage. On remercie très très fort les camarades qui ont bien voulu envoyer leur son des différentes villes qu'on a citées au début. Et on est toujours sur Radio Dio, 8, 9, 5. Les artistes qui sont passés pendant le montage, c'était Gloss, Tamiti et Anony. Et voilà, et que crève la transphobie et que crève le cis-hétéro-patriarcat. Et pour ça, on a justement des dates à vous proposer. Un petit agenda. pour rappel quand même, à Saint-Étienne, jeudi 25 novembre, contre toutes les violences faites aux femmes et minorités de genre, rendez-vous Place Fourneyron à 18h. Voilà, pour, c'est annoncé quand même des flambeaux. Alors, je trouve ça, voilà, ouais. ça va avoir de la ça gueule. Donne envie. Ça donne envie. Cramer des trucs. C'est ça, pour aller être un peu tous ensemble contre le cis-hétéro-patriarcat, encore une fois, voilà, je le dis. Dis-le, répétons-le. Et on annonce, moi j'ai eu envie, ou on a eu envie d'annoncer aussi, même si c'est à Lyon, mais ça se passe là le samedi le 27 novembre, c'est la marche annuelle des familles et des victimes contre les impunités. Et c'est un truc, si je me rappelle bien, c'est entre Lyon et Londres qui font en même temps, annuellement, cette marche contre les violences policières, en gros. Bon, en tout cas, je crois que ce serait super d'être plein. Et c'est samedi 27 novembre et c'est le départ à 14h, je crois, au métro Charpennes-Villeurbanne. Voilà. Et du coup, ça fait une date de rendez-vous jeudi, une date de rendez-vous samedi et vendredi soir. Vendredi, pour toutes les personnes trans qui nous écoutent et qui vivent à Saint-Étienne ou qui sont de passage, il y a un apéro trans chez Elia à 18h. J'ai un petit 19h. Ouais. Voilà. Du coup, venez pour un petit moment de convivialité et voir ce qu'on peut faire ensemble à Saint-Étienne. Ah, mais ça c'est. Et il y a aussi vendredi, aussi organisé par le collectif Stéphanois contre l'islamophobie et pour l'égalité, vendredi 18h30 au centre social Le Babé, Olivier Lecourt Grand Maison, qui est un universitaire et qui a participé à la coordination du bouquin qui s'appelle Racisme de France, qui vient faire une conférence qui s'appelle conférence et débat d'ailleurs, qui s'appelle Persistance et développement du racisme et de l'islamophobie en France. Voilà, vendredi à 18h30 au Babé. Voilà, super. Alors on a plein de trucs à faire, même si c'est le début de l'hiver. Non, c'est l'hiver à Saint-Étienne, faut pas mentir, c'est pas le début. C'est carrément l'hiver. Il fait froid. Ouais, on vous dit au revoir, non? Ouais, on se retrouve le 7 décembre, c'est ça? Voilà, dans deux semaines. On va faire une surprise. Comme émission, la prochaine émission. Ouais, on adore les surprises. On adore. Alors, au revoir et à la prochaine. Ouais, merci à nos deux camarades de la technique. Hein. Et pour toutes les personnes qui ont essayé de nous écouter sur le streaming qui apparemment, encore une fois, ne marche pas, on est vraiment désolés, mais on va vite mettre le podcast sur radiorageuse.net. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Cette nuit. Ouais. Des gros bisous et bonne journée à tout le monde. Oui, en ce matin difficile. Bon matin. Bon boulot, bonne école.